chanson. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, à Assemblage requis. David Ferron nous offrira de la bonne musique et nous laissera la facture dans les notes salées. Et on accueillera un nouveau membre sur notre chantier, Olivier Lessard, et sa chronique Le Courant passe. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 9 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est malheureusement en congé aujourd'hui. Qu'on va s'ennuyer d'elle pour cette émission pendant 2 heures, mais que voulez-vous, c'est comme ça et on a tellement de contenu aujourd'hui que de toute façon, ça paraîtra pas dans une blague. J'ai gâteau sur ce que je l'ai dit. Donc aujourd'hui, l'émission à 8h, on va avoir un bloc spécial sur UQTR en spectacle. Le premier de 3 blocs d'une demi-heure qu'on va faire tout au long des 2 prochaines semaines pour recevoir les participants de UQTR en spectacle ici à l'émission. On va recevoir donc les représentants, des gens du comité de sélection, des artistes, des porte-paroles peut-être. Donc tout ça autour des 2 prochaines semaines, au cours et autour. À 8h30, David Ferron et les notes salées, ça c'est la chronique de musique du monde, où il choisit une thématique par rapport à ça. Il nous en fait jouer quelques pièces, c'est toujours bien intéressant, c'est à 8h30. À 9h, d'habitude, Stéphanie Paradis ferait sa plus simple expression. Par contre, aujourd'hui, comme elle n'est pas là, je vais remplacer avec C'est un fait, notre habituelle chronique du lundi. Donc, ce sera à 9h. Mais pour débuter, dans quelques instants, Olivier Lessard, un nouveau morceau dans notre émission. La chronique s'appelle Le Courant passe. On va lui parler de, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, Le Courant passe, juste après cet extrait qu'on écoute en musique de Claude Bégin sur l'album Les Magiciens. Voici Avant de disparaître au 89 FM. C'est fou! Même si le ciel nous en veut, j'suis heureux comme un poisson volant. Et même si on prend les moyens d'aller où les vents nous emmènent, on passera les moyennes, les grandes et les petites tempêtes. Personne n'y échappe, personne s'y arrête. Un jour le ciel va tomber sur nos têtes. Qu'on se colle un petit peu, je te veux. C'est tellement confortable. Et quand on recommence à jouer le jeu, je me transforme en balade. Et parmi tous les autres fous, y'a nous, pitoyable et jetable. On arrivera ensemble. Les châteaux qui font les mauvais nuages, personne n'y échappe. Personne s'y sur nos têtes. Tout le monde fait la fête, on s'amuse comme des bêtes, qu'on en profite avant de disparaître. Ouais. On devrait plus jamais s'éloigner, puis se mélanger toi et moi. Plus jamais se laisser tomber, puis se mélanger toi et moi. Plus jamais s'éloigner, puis se mélanger toi et moi. Plus jamais se laisser tomber, puis se mélanger toi et moi. C'était Claude Bégin avant de disparaître sur l'album Les Magiciens. On me dit de source sûre que le reste de l'album est encore plus pop que ça, hein, n'est-ce pas, Olivier Ressant? Oui. Ouais, c'est quasiment gossant, trop pop, genre. C'est comme ça va faire le pop. Ben, avant de dire gossant, je vais le réécouter comme il faut, puis okay. Je vais vous en parler. Parfait, génial. Ben, la voix que vous entendez là, c'est celle d'Olivier Ressant qui nous arrive avec une toute nouvelle chronique. Voici le coup en passe. Passe Olivier Lessard qui arrive dans notre équipe. Pour commencer, on va se demander mais qui est Olivier Lessard, hein? C'est quand même une question pertinente. Moi, je le connais personnellement de la Luitre parce que c'est lui qui fait le DJing de nos soirées d'improvisation les lundis soirs. C'est là que moi, je te connais. Ben oui, je suis DJ, mais je suis bien plus que ça quand même. Je suis premièrement un fervent auditeur de C'est fou. Faut dire que je vous écoute à tous les matins en me levant. Donc, félicitations pour votre beau programme. Je suis un fan. Merci, j'ai capoté goupille. En te voyant ce matin. Ah oui, une vraie vedette. Hein, le vrai Mathieu. On voit en fait comment il fait pour faire tout ça derrière le rideau de C'est fou. Exact. Bon, hey, ça va faire les compliments les uns envers les autres. Là, ouais, parce ouais. Qu'on fait juste se lécher, puis à un moment donné, ça fait un petit peu softcore porn. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez ça. Mais sinon, je suis aussi étudiant en loisirs, culture, tourisme de dernière année. Et c'est ça, là, c'est ma dernière session. Fait que c'est un petit peu recherche. Je suis déjà venu ici, en fait, il y a maintenant 2 ans. C'est vrai. Dans le même cadre que tantôt, on va recevoir des gens de l'UQTR en spectacle. T'étais venu pour ça aussi? Oui, effectivement, oui. Je présentais des chansons que j'avais jouées à l'époque, à l'UQTR en spectacle. Ouais. Et j'entends dire qu'on va te retrouver encore une fois dans ce segment-là, éventuellement. Paraît ça. On sait pas quel jour, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu me présentes comme chronique? Le courant passe. Moi, j'adore le titre dès le départ, je vais te l'avouer. Je trouve le titre vraiment bien fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le courant passe? Ben, le courant passe, premièrement, Mathieu, c'est un jeu de mots. Attends un peu. Parce que tu sais que moi, les jeux de mots, c'est ma passion. Ouais. Mais c'est un jeu de mots dans le sens où c'est une chronique dans laquelle je vais présenter des courants musicaux. OK. Des courants musicaux et nécessairement les courants que je vais proposer, ils passent, ils cassent pas parce que s'ils cassaient... T'en parlerais pas. J'en parlerais pas. Ça aurait pas rapport un lundi matin de vous parler de musique que j'aime pas. T'as bien raison. Puis en plus, tu es un grand amateur de faire l'école buissonnière, tu présentes pas tes cours, donc les cours en passent, tu passes tes cours, ou encore... Non, t'es vraiment un bon élève, donc les cours, hein, j'en passe. J'aime mieux ça. Donc c'est ça, mais les courants dont je vais vous parler, évidemment, ce ne sera pas des grands courants comme on les connaît, l'histoire du rock'n'roll ou l'histoire du jazz, parce que de toute façon, il y a déjà des personnes qui ont fait des thèses de maîtrise là-dessus. Et faut que je vous avoue, là, moi, quand j'ai décidé de faire cette chronique-là, tu me disais, Olivier, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux, et donc, parce que... fais ce que je veux, ça incluait de ne pas avoir à faire de grandes bibliographies. pas trop travailler fort, là. Non, on travaille fort pareil, mais c'est de la créativité, donc c'est de la sociologie qui va être un peu de la sociologie de l'à peu près qu'on pourrait appeler. C'est bien, j'aime ça. Donc, je vais m'en inspirer, tu seras mon nouveau mentor. Là. Ouais, je m'excuse d'avance aux partisans de la méthodologie universitaire. T'auras pas de boîte à outils à la fin pour te retrouver là-dedans. Non, comme, effectivement. Comme social. Donc aujourd'hui, ton sujet est principalement pour ta première chronique. Tu as choisi, j'imagine, quelque chose qui te passionne vraiment, quelque chose d'extraordinaire pour commencer en... J'ai commencé grand, effectivement. Ouais. Je commence avec le son de l'Oregon. L'Oregon. qu'est-ce qui se passe en Oregon. D'ailleurs, le son de l'Oregon, là, moi, ça m'est venu comme flash avec le fameux « Welcome to the Illinois » de Sufjan Stevens, qui présentait le son de l'Illinois. Mais là, je vous présente le son de l'Oregon. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Le son de l'Oregon, là, c'est une espèce de folk. En fait, on va parler souvent de folk. C'est un apartheid. Là, okay. Parce que le folk, c'est très, très « roots oui. ». Donc, d'une région à l'autre, le folk est complètement différent. Ce sera pas la même chose en Gaspésie puis en Abitibi. On s'entend sur le folk. Puis faut, ben, ça a commencé parce qu'il n'y a pas d'instruments inventés encore. Hein, ben, exactement. Selon les recherches que j'ai faites, t'as raison. Ouais, c'est ça. Et donc, le son de l'Oregon, c'est un folk qui est souvent assez country, mais qui se distancie du country américain qu'on entend souvent, qui est en vogue Garth ces temps-ci. Brooks, effectivement, c'est un son qui est très low-fi. J'utilise des termes assez spécifiques, mais ça veut dire que c'est brut, donc qu'il n'y aura pas un paquet d'effets là, en arrière d'avoir. Il n'y a pas de couches de calque et de plein d'affaires en même temps qui viennent te déconcentrer. C'est concentré dans une petite... Effectivement, c'est très, très émotif aussi. On va l'entendre dans les voix des groupes que je vais présenter. Et ce côté rough-là vient, selon moi, là, du fait que l'Oregon, juste à côté, l'État, c'est le Washington. L'État du Washington et non la ville ouais. dans laquelle il y a la ville de Seattle où ouais. est né le grunge. Ah ben. Hey. Donc, Seattle... Si t'es pas renseigné, mais ça, c'est renseigné pas mal. Ben oui, je me suis renseigné quand ouais. même. Là. Seattle, on parle de Nirvana, de Temple of the Dog, de Pearl Jam, qui sont tous nés là et nécessairement ont eu une influence sur les bandes de l'Oregon. Puis là, on va en nommer, je ne serais pas juste jaser comme ça. Les Decemberists, qui viennent tout juste de sortir un album, d'ailleurs, ouais. Qui viennent de l'Oregon. Mr. Ward, qui est un chanteur folk, qui a fait de She&M. OK, oui, She&M, mais oui. She&M, mais... Ça, c'est avec Zooey Deschanel. Mr. Ward, exact. Oui, OK. C'est meilleur, Mr. Ward. Encore meilleur. Moi, j'adore Zooey Deschanel. Ouais, mais She&M, là, ben c'est peut-être que moi j'ai stické sur leur album de Noël. Oui, j'avoue que ça peut être l'histoire. Ouais. Et The Shins aussi, okay. qui vient de l'Oregon. Les tibias, ça, c'est ça? Comment? Shins, c'est un tibia, ça. Je laisse faire. Ah. Je suis pas sûr. C'est vrai que les jeux de mots. L'un n'en attend pas l'autre. Ah, c'est ça, ok. bien sûr, on peut pas parler de l'Oregon sans parler du grand Elliott Smith. Ok, oui, ben oui. Qui, selon moi, selon mes recherches envers moi-même, là, aurait pas mal influencé tous les groupes que je viens de vous nommer. Tant que ça, il y a de l'influence comme ça? Il y a de l'influence un peu partout aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On pourrait en nommer à l'infini des bands qui sonnent un peu Elliott Smith. Et tu sais que la seule place qui joue du Elliott Smith dans la vie, c'est bien, c'est fou, ça. Ouais, effectivement. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais en parler plus d'Elliott Smith, mais avant ça, là... Peut-être qu'on pourrait se faire un petit cadeau. Ah, wow. Et écouter un grand classique d'Elliott Smith, ça s'appelle Waltz. Ouvrez la parenthèse. Exo. Fermez la parenthèse. Fait triper, man. Fait triper. Le courant passe au 89 FM, c'est l'assemblage requis. calling out to our known to know. Here it is, the revenge to the tomb. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Hein? Ben oui! C'est tout ce que j'avais à dire. C'est le seul commentaire, la chronique se termine ici. Hein? Non, c'est pas vrai. Alors, c'est Elliott Smith? Elliott Smith, qui, comme je disais, est selon moi le grand bâtisseur du folk de l'Oregon, et j'irais peut-être même jusqu'à dire du folk américain. Oh. Il y en a beaucoup qui l'ont considéré comme l'un des plus grands songwriters. Mais là, je vais vous parler un peu plus de lui. Comme ça, en connaissant Elliott Smith, vous risquez là, de commencer à catcher ce que je veux dire par le son de l'Oregon. OK. Non. Parce que c'est le but de la chronique, le son de l'Oregon aujourd'hui. C'est ça, le son de l'Oregon, pour ceux qui n'étaient pas tout à fait levés quand on a... Ça arrive. Ça arrive. Nous-mêmes, on n'est pas sûr. Ouais. Donc, Elliott Smith, avant tout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est même pas né en Oregon. OK. Et là, encore là, j'aurais pu finir la chronique juste là. Le punch final, finish him. Non, c'est ça, il est né en Nebraska. Par contre, il est déménagé à Portland, qui est comme la grande ville de l'Oregon et qui est aussi la ville artistique dont tous les bands que je vous parlais ont commencé à performer. Et il est arrivé là à 14 ans. Puis il est resté là jusqu'à à peu près 24 ans. Il okay. faudrait que je vérifie mes sources, évidemment. Genre de décennie, mettons, environ. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à 14 ans, là, c'est là qu'il commençait à jouer de la musique. Et c'est là aussi qu'il commençait à prendre de l'alcool et de la drogue. Ben oui, mais c'est dans la musique, t'as pas le choix. Il a commencé à devenir un peu déchu à partir de 14 ans. C'est une bonne âge. Et donc, à écrire des chansons. Puis ça c'est... il a commencé avec son band qui s'appelle Hefmeister. Je sais pas si... Non, je connais pas. Jamais entendu de Hefmeister. Jamais de ma vie. Ben ça, c'est très, très grunge. Okay. On en revient au fait qu'à l'époque, en 91, le grunge était fort, puis le grunge était d'autant plus fort quand t'habites à 2 heures de où Nirvana mange leur petit déjeuner à Seattle. où les vaches broutent leur gazon à côté d'une grange. Effectivement. C'est un jeu de mots avec grange puis grange, tu comprends? Je sais pas, hein, c'est-tu si rural que ça, ce bout-là? Je sais pas. Ouais, si ça fit avec ma blague, là, je sais pas. C'est correct, mais d'ici ma prochaine chronique, je vais aller faire un tour. Okay. De toute façon, reporter sur le terrain avec l'hélicoptère, c'est fou, bien sûr. Ben c'est ça, c'est frais dépenses payées. Tout inclus, c'est ça. Tant que ça a un lien avec ma chronique, je pense que je peux faire un peu n'importe quoi. Exact. Parfait. Regarde ça en note. Donc, c'est ça, 91, F. Miser. Et ensuite, en 94, il dit « C'est bien bon, ce band-là. » Mais lui, il avait plus le goût de faire du grunge. Et de toute façon, c'était pas lui nécessairement qui chantait dans F. Miser. En tout cas, pas tout le temps. Donc, il voulait faire ses propres trucs. Il a lancé un album qui s'appelle « Roman Candle », qui encore aujourd'hui est un classique. « Roman Candle », qui est très, très low-fi. On le retrouve beaucoup dans ce mouvement-là. C'est un album qui est vraiment relax, assez dépressif. Déjà, on commençait à se rendre compte qu'Elliott Smith, il y avait quelque chose qui allait pas bien dans sa vie. Et on découvre, en fait, sa voix qui est très, très frêle, très, très petite. Dans F. Miser, il poussait sa voix beaucoup pour essayer d'avoir plus de power. Mais on le découvre autrement à partir de Roman Candle. Et le grand point tournant d'Elliott Smith, c'est en 97. Peut-être as-tu déjà vu un vidéo d'Elliott Smith qui est aux Escars avec une espèce de grand complet blanc. Il a l'air tout pogné dans son complet. Non. En fait, l'histoire, là, c'est qu'il était nominé pour l'Oscar de la meilleure chanson. Mais là, la personne qui était contre lui et qui a chanté tout de suite après, là, c'est Céline Dion avec My Heart Will Go On. Titanic, ouais, ouais. Donc, mettons que ça fait un clash. Elliott Smith jouait seulement guitare acoustique. Il y avait un orchestre en arrière, mais lui était seul sur la scène. Et il regardait à terre. Là. C'est vraiment un beau moment. Il regardait absolument pas le public. mais il a l'air mort de peur sur ce stage-là. Mais ça reste quand même un moment d'anthologie. Et là, je le sais, à chaque fois que je parle de n'importe quel moment, je dis que c'est de l'anthologie. Oui, mais oui, oui. Dans mon anthologie personnelle, c'est un moment important. Une chose que ça s'appelle pas Anthony, parce qu'on aurait pu appeler ta chronique une anthologie. Chose comme ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire avec Olivier. Ça? Pas grand-chose à date. On peut se tromper, marquer Olivia sur le site à la place de marquer Olivier. Je sais pas si c'est subliminal. T'as fait ça. J'ai fait ça. Hop, hein. En tout cas. Ah, mais c'est les 38 courriels que j'ai reçus. C'est ça! Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Il semble qu'elle a une voix masculine. Pas de panique. je terminerai en disant que... l'influence est tellement marquante que si vous tapez Elliott Smith covers sur YouTube, ben premièrement, vous allez avoir 3 pages de covers pas bons d'adolescents. Ouais. Et vous allez aussi avoir des covers de Beck, okay. Notamment, et de Emily Haynes. De Metric. De Metric et de Broken Social Scene, si je ne me trompe pas. Donc, puis ça, c'est vraiment excellent. Elle reprend la chanson qui s'appelle Between the Bars, qui est... un autre classique. Une anthologie. Une anthologie. Rien de moins. Hey. Et donc, avec ça, moi, je considère que vous connaissez le son de l'Oregon. Dorénavant, oui. Donc, si jamais vous êtes en entrevue pour une job quelqu'un, puis qu'il y ait une job quelconque. C'est un peu bizarre. Et qu'on vous dit, est-ce que vous connaissez le son grunge? Excusez-moi, j'ai de la misère avec les mots ce matin. J'ai pas encore bu mon café. Je disais donc. En c'est plus, c'était une mauvaise blague que je m'en allais faire. Ok, excuse-moi, quand on va la préparer, on va même enlever le fond. On écoute ta blague. Hey, c'est de la pression, ça, mes amis. Je disais juste que si en entrevue, on vous demande est-ce que vous connaissez le son Oregon, vous pourrez dire oui et répéter tout ce que je viens de dire depuis les 20 dernières minutes. Au complet. Et faire jouer les extraits sur votre iPhone. Exactement. Puis comme on dit en anglais, tu sais, Oregon pas, easy busy. Easy gun pas, c'est la pub de, tu te rappelles-tu, le référent de là, 6 ans, genre? Hein? On dit plus ça. C'est fini, ça. Ben, je sais pas. Ouais. Ouais, là-dessus. Oui, là-dessus, on se quitte avec une pièce de Decemberists. Decemberists, qui vient de leur dernier album, qui vient tout juste de sortir, qui est très excellent. Très, très excellent. C'est What a Terrible World, What a Beautiful World, si tu veux savoir. Bonne journée à tous. Hein? Bonne journée, merci Olivier Lessa. À lundi prochain, à 7h30 pour une autre chronique et le cours en passe. Bye! Grey Jane was a river child, born down by the river wild. Said, hey, what a wannabe. Nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't do. And it won't leave you alone. And the rain falls versus true. Struck out as a summer child, 10 steps just to run a mile. All the winter long. Till then I can only be, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't. December is the wrong year. Assemblage requis dans la chronique Le Cours en passe d'Olivier Lessard et on le retrouve lundi prochain à 7h30. On prend une pause au retour. C'est le segment sur QTR en spectacle 2015. Assemblage requis, restez là. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 9 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui, malheureusement. Mais pour la prochaine demi-heure, et on va faire ça trois fois pendant les prochaines semaines, on accueille des gens de QTR en spectacle 2015. Et pour s'occuper de tout ça, on reçoit la personne qui s'occupe de la portion émission culturelle et jeux de la com. En tout cas, une de ces personnes-là, Laurence Gagné. Bonjour. Allô, bon matin. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Et c'est toi qui vas s'occuper de tout le reste. Donc, tu présentes le monde, tout ça, puis je te laisse la place. Exactement. Je prends la charge. Ce matin, on commence en grand avec une entrevue avec le comité organisateur. Et présentement, j'ai avec moi Karina Tardy, qui s'occupe des communications. Bon matin. Bon matin. Et Catherine Poirier, qui s'occupe des participants. Bon matin. Bon matin. Donc, les filles, c'est sûr, ça s'en vient bientôt. 19 février, UQTR en spectacle. Oui. J'imagine qu'on commence à être fébrile. Oui, absolument. Là. C'est dans les derniers détails. On sent qu'on approche. Puis oui, on est bien excités. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet du QTR en spectacle? Le projet commence normalement à peu près avec la session d'automne, septembre, octobre, tout dépendant de la formation du comité. Cette année, on est quatre. Le comité a été formé par la coordonnatrice qui n'est pas là ce matin parce qu'elle travaille. En fait, c'est la stagiaire du service aux étudiants. Donc, c'est elle, la coordinatrice, Catherine Bertrand. Puis, à part moi et Catherine qui sommes ici, il y a Marie-Laurence Audet aussi, qu'on connaît très bien ici à Assemblage Requis. Chroniqueuse, oui. Qui fait des chroniques, qui s'occupe de nos bénévoles, de nos jurys et de quoi d'autre? Bénévoles et jurys, et jurys des auditions et tête d'affiche, okay. etc. Ouais. Et donc, vous êtes quatre en tout dans le comité. Oui, exactement. On est travaillé fort. Oui, on travaille fort depuis octobre, après qu'on est là-dessus. Ouais. C'est quoi les difficultés, justement, dans un événement comme ça, de quand on le prépare? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est plus difficile parfois? En fait, ce qui est particulier pour UQTR en spectacle, c'est que c'est des étudiants. En fait, c'est bénévole qui s'en occupe. Moi, je suis plus étudiante, mais je suis là à titre bénévole. J'ai déjà participé il y a 2 ans. Marie-Laurence aussi a déjà animé le gala il y a 2 ans. Donc, on a quand même une expertise pas pire. Puis, il y a Catherine Poirier qui a quand même un rôle assez chargé avec les participants, s'occuper de plein de réalités différentes. Je dirais qu'elle a des gros défis. Hein? Oui, détails, beaucoup d'horaires à gérer. Ouais. Ouais, je dirais que c'est pas mal elle qui a les plus gros défis dans toutes nous. Comment surmonter ces défis-là? Ben c'est de la gestion, là. Tout le monde a ses horaires, autant école que personnel. Fait que c'est d'essayer de gérer avec ça, puis d'essayer de jongler avec pour que tout le monde puisse comprendre que j'essaye, là, mais c'est ça. Est-ce que ça donne des maux de tête parfois? Des fois, le café il est bon le matin. Mais on s'aide toutes là-dedans aussi. Là. Elle n'est pas toute seule, je suis pas toute seule, on est pas toute seule. On s'aide. Est-ce que toi aussi, est-ce que t'es étudiante encore? Oui. Oui, ok, parfait. Donc, il y a juste Karina qui... Oui, il y a juste moi. On m'a recrutée à titre de bénévole. C'est la passion. Parce que j'ai fini mes études, mais je suis encore attachée. Oui. Je l'ai faite il y a 2 ans quand j'étais étudiante, fait que ça, j'avais encore envie de m'impliquer. C'est bon, mais c'est quand même une grosse implication. Tu réussis à faire les deux. Oui, par les midis et les soirs et les 20 semaines. Encore d'autres montages, j'imagine, c'est ça. On aime ça. Oui, j'imagine. Donc là, on est à 2 semaines environ de la soirée du 19 février. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est quoi les derniers préparatifs pour avoir un bel événement? Écoute, moi, de mon côté, rapidement, moi, je m'occupe de tout ce qui est diffusion, affichage, communication et tout. Je te dirais que la diffusion, la promotion est pas mal toute là. Il reste à vendre des billets. On est au kiosque ici à l'université du lundi au jeudi. Ouais. Vers l'heure du dîner, entre 11 et 3. Je te dirais qu'on est pas mal dans la vente de billets. On a annoncé, tout est pas mal annoncé, les participants, les jurys. Les affiches sont partout à l'université. Fait qu'on est pas mal... On est pas mal rendu à se préparer. Là. Les participants sont en train de se préparer. C'est pas mal les derniers détails. Les générales, tout cet horaire-là, l'horaire de la soirée, les tests de son et tout. Tu parles de général, j'imagine que c'est toi qui s'en occupe. Oui, madame. On est combien avant le spectacle? Dans le fond, ils sont 7 participants. Oui. Puis ils sont 3 hors concours. On, a, okay. on va avoir des spectacles de secondaire, cégep et université. Ah, OK. Il y a aussi des... ça, je savais pas. Il y a aussi des numéros du secondaire. Oui, exactement. OK. Mm-hmm. Ouais. Mais hors concours. Oui, c'est ouais, ça. Hors concours, vitrine ouais. un peu. C'est là, ça. Ouais. OK, parfait. Exactement. Pour venir clore le spectacle. Oui, parfait. Puis la générale, en fait, ça va être une journée c'est avant. Ah, ben, c'est le matin même, en fait, de l'événement, à partir de 8h30 le matin. Parfait. tu disais qu'il y avait des billets à vendre. Les billets se vendent dans le hall d'entrée, ici? Ça se vend, c'est au kiosque, au 2e étage. Okay. Ou la bibliothèque. Est-ce qu'il y a d'autres places où on peut en avoir? Oui, il y a aussi à la coop. Okay. Vous pouvez en acheter, c'est 10$ en pré-vente, en argent seulement à la coop. Sinon, c'est 12$ à la porte. Parfait. Est-ce que les participants en ont aussi? Oui, les participants devraient en avoir sur eux. Il y en a à vendre, ça, il n'y a pas de problème. Rapidement, justement, là, ce matin, on a Joannie Gagnon et Olivier Chevrette, mais il y a quand même 7 participants en tout. Oui. Donc, Yannick Hamel, Jean-François Veilleux, Olivier Chevrette, c'est ça que je viens de dire. On a le Quatuor Spinal Tap, qui est en fait Laurence Roy, Gabriel Leblanc, Charles Doré Coulombe, Jean-René Giroux. Giroux? Qui vont être 5, en fait. Ça va être un quintet? Comment on dit ça? 5? C'est ça. C'est ça? Quintet. 25. Sinon, on a le groupe Promenade sur Mars. Là. On a plusieurs noms. Là. Peut-être que je n'aimerais pas toutes. Là. C'est une gang de chiropratiques. Le groupe Montagne et Blanche avec Olivier Lessard, Frédéric Martineau, Alissa Lemieux et Jean-François Chapdelaine. Donc, si jamais on veut des billets, on connaît ces gens-là pour les encourager. On peut s'en procurer auprès d'eux. Et finalement, par rapport à cet événement-là, qu'est-ce qui ferait que vous êtes heureux de l'événement? C'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre? En tout cas, moi, par rapport à moi, là, je trouve vraiment que les talents de cette année sont vraiment extraordinaires. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. C'est vraiment diversifié, là. C'est pas autant juste la chanson, c'est vraiment un tout. De venir voir aussi les interprètes qui sont là, sont bons, là, les compositeurs aussi. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Puis c'est pas cher, là, c'est 10$ un billet en pré-vente. Sinon, il va en avoir en vente aussi à la porte. Mais ça vaut vraiment la peine. On a des bons talents. Ah oui, oui. Moi, je veux du monde dans la salle. Oui. Niveau communication. C'est ça que je veux. Mais cette année, ce qui est le fun aussi, on a beaucoup fait de participation avec l'université à l'interne, en fait, ben, entre autres avec les Jeux de la Com, avec le Carnaval étudiant qui nous a permis de découvrir deux nouveaux talents qui ont été sélectionnés pour la finale. Fait qu'on essaie vraiment de tout s'entraider entre nous. Je pense que ça a bien marché. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de monde grâce à ça. Puis, ben, on veut public, on veut beaucoup de monde, on veut public de qualité aussi, on veut des gens qui sont là pour découvrir des talents, parce qu'il y a pas mal de talents qui sont rendus plus loin aujourd'hui, qui ont passé par QTR en spectacle. Andréanne Martin, entre autres, qui est juge, d'ailleurs, pour nommer que celle-là, Amélie Gagnon aussi, qui a été juge pour les auditions. Donc, il y a plein de talents qui sont passés par là. Donc, puis, juste une petite dernière, là, parce qu'on parlait justement des talents qui vont plus loin. Ouais. Niveau logistique, il y a combien de personnes qui passent ensuite? Il y a un deuxième tour après QTR en spectacle? Ou c'est moi qui m'aime? En fait, ça va à université en spectacle après. Okay, c'est ça. Dans le fond, il y a 8 ou 9 universités qui font leur finale locale comme nous, à travers le Canada. Il y en a quand même pas mal. Ouais. Puis, après ça, la finale nationale se passe spécialement ici à Trois-Rivières cette année. Parce que c'est le 10e d'université en spectacle. Parce que ça a été créé ici il y a 10 ans. Faut pas se mélanger. UQTR en spectacle, c'est il y a 11 ans. Puis une année après, ben, l'université en spectacle est arrivée. Donc, voilà. Fait qu'il y en a qui passent à l'université en spectacle. Les gagnants. Ouais. La première place va passer à l'université en spectacle seulement. Ça va être nos ambassadeurs de l'université. Donc, chaque première place de toutes les universités s'en vont à l'université en spectacle que vous organisez aussi. Oui, qu'on organise. On pourra en reparler une autre fois. Là, mais oui, absolument, on organise ça. C'est le 4 avril. Parfait. Puis, voilà. UQTR en spectacle, c'est le 19 février. Je sais comme pas si on l'a dit. Oui, exactement. Mais justement, on va vous souhaiter beaucoup de monde. On va souhaiter les belles performances. Les belles performances. Besoin des souhaités, je pense qu'on a déjà du bon matériel. Ouais. Donc, on rappelle que c'est le 19 février à 19h qu'on va avoir droit à UQTR en spectacle au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donc, évidemment, on va continuer avec les autres participants, mais je vous remercie d'avoir été là pour le comité. On vous souhaite un bel événement. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui, on continue, oui. Ben, on n'a pas notre deuxième participant, il n'est pas là présentement, mais on va passer tout de suite à Joanie. Salut. Miss Anything. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Oui, donc, ça faisait petite depuis tantôt, mais ben nous écoutez parler. Donc, on te connaît sous le nom de Miss Anything. C'est ton nom d'artiste. Et j'aimerais savoir, ça vient de où, ce nom-là? Ben en fait, on dirait que c'est dur de retracer. C'est tout le temps des histoires floues, ces affaires-là. Mais en fait, c'était le nom de mon band, puis j'ai décidé de garder ce nom-là, dans le fond, pour continuer en musique. Fait que c'est vraiment tout simplement comme ça que c'est arrivé, là. Donc, t'avais un band avant. C'est quoi ton parcours un peu musical? Est-ce que t'avais commencé avec ce band-là? Ben c'est sûr que j'ai eu plusieurs formations musicales avant ça. Puis, tu sais, plus sérieusement, là, c'est ça, j'ai continué, dans le fond, avec ce band-là, à faire un peu de show ici et là, un peu partout dans la région, mais au Québec aussi. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, ben j'en suis arrivée à, dans le fond, vouloir faire mes chansons à moi toute seule, puis partir comme une grande, là. Oui, ben justement, t'es auteur, compositeur, interprète. Ouais. Est-ce que tu chantes seulement des chansons à toi? Oui, en fait, majoritairement, oui, là, en spectacle, là, c'est sûr que j'essaie de faire juste des compos. Des fois, c'est sûr qu'on peut mélanger avec des covers, là, des chansons de d'autres artistes que j'aime beaucoup, mais en général, ouais, c'est juste mes compos, là. OK. Tu t'inspires de quoi pour écrire? C'est vraiment varié, je te dirais. C'est la vie en général, là, peu importe des expériences qui m'arrivent à moi ou à des gens que je connais ou, tu sais, je te dirais vraiment la vie en général. Je sais que c'est vaste, là, mais... Ben, il y a beaucoup de choses à la ben vie, oui, quand même. Ben oui, c'est ça, là. On a aussi pu voir que tu joues du piano. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues du piano? Ça fait, oui, quand même longtemps, là. Pour vrai, j'ai commencé avec un petit mini clavier joué, là, puis c'était mon instrument que je traînais partout, là. Fait que j'ai commencé comme ça, puis c'est ça, j'ai tout le temps continué à en jouer du piano, là, mais j'ai tout le temps joué à l'oreille aussi, là, donc c'est vraiment un instrument qui est venu tout seul, puis que j'avais vraiment envie d'apprendre, là. Donc, à l'oreille, ça veut dire que t'as pas eu de cours? Non, au piano, non. Après ça, j'ai pris des cours de chant, des cours de guitare, mais le piano, ça a vraiment été un peu instinctif, quasiment, là. Je voulais absolument jouer du piano, puis composer mes petites chansons quand j'étais jeune, là. jeune? Je te dirais, là, ben là, c'était un piano jouet, fait qu'il faut pas que je dise que j'avais 14 ans. Fait que, non, j'avais à peu près 6-7 ans, je te dirais, là, quand j'ai commencé. Ouais. Fait que la musique a toujours fait partie de ta vie, si je comprends bien. Ouais, exactement. C'est pas un hasard quand on retrouve à QTR en spectacle aujourd'hui, non? Non, c'est pas nouveau. Puis c'est pas la première fois non plus que tu fais QTR en spectacle. Non, c'est ça, je l'ai fait pas l'année passée, l'année d'avant avec Olivier Bellemare, une de mes amies, on avait fait une composition aussi. Parfait. Fait que t'as aimé ça, t'as aimé ton expérience, c'est pourquoi tu reviens cette année. C'est ça, exactement. Ouais. Je me suis dit, c'est ma dernière année d'université, il faut pas que je passe à côté du QTR en spectacle. Super. Tu as interprété ta propre chanson demain, c'est la chanson que tu vas interpréter en spectacle aussi? C'est ton audition, c'est ça? La chanson demain? Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'ai regardé tes yeux, je me dis, voyons, c'est quoi qui dit n'importe quoi. Non, c'est ça. Ben oui, la chanson que je vais interpréter avec QTR en spectacle, c'est ça que tu veux dire? Oui, exact. C'est ça. Ça s'appelle Chaos. C'est une chanson que j'ai composée, puis je me suis dit que ça pourrait être l'idéal de la faire, c'est ça, à l'université en spectacle. Là. Ça s'inspire de quoi, cette chanson-là? Ça s'inspire, en fait, dans la vie en général, d'être un peu, des fois, divisé en deux options, choisir entre noir puis blanc, puis juste de tout le temps équilibrer, puis ça dit, c'est le chaos un peu d'essayer de trouver, de prendre une décision, puis c'est ça, là, comme vous voyez que j'en parle, puis c'est encore pas clair, mais c'est ça, ouais. Parfait. Puis là, ben, encore une fois, c'est ça, on est à 2 semaines là, du spectacle. Est-ce que ça te stresse ou tu vis bien avec ça? Non, mais pour vrai, je vis bien avec ça. Normalement, ouais. Ça me stresse pas. Jusqu'à temps que je sois sur le bord de la scène puis que là, je vois un peu les gens au travers du rideau. Là. Famille, amis. Ouais, c'est ça. Mais non, sinon, je suis pas du genre à stresser 2 semaines à l'avance puis plus dormir. Ouais, non, bon, ben parfait. Tant mieux, on vit mieux comme ça. Mais ouais, des fois, ça peut être un petit. Ouais, non, ça peut arriver, c'est sûr. Super. Ben, je te remercie beaucoup. Puis je vais te souhaiter de passer à l'université en spectacle qui va être à Trois-Rivières, pardon, cette année aussi. Donc, Miss Anything, on te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne chance. Ben, merci à toi. Donc, on a Olivier Chevrette n'est pas là présentement. Oui, Karina, ben oui, là j'ai news update, le temps d'une chanson, peut-être Olivier Lessard va revenir avec nous. Parfait. Pour une petite entrevue spontanée, parce que aussi il est participant. Donc voilà. Parfait. Alors on écoute The Decemberists. Oui. Voici, non pardon, c'est The Seasons. Voici Copernicus. 80 FM. Dear, I need to make you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind. I think it's this, but then it's that. It's fine, I guess, it happens all the time. So the moon just rolls around the earth, yet they both just roll around the sun. You see, we're always part of something bigger than ourselves. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. La formation locale The Seasons et Copernicus à Assemblage requis. On retourne à notre segment sur le QTR en spectacle avec Laurence Gagné des Jeux de la communication. Merci. Je suis présentement avec Olivier Lessard. En fait, coup de théâtre. Un coup de théâtre. On a un deuxième Olivier, ça tombe bien. En fait, tu fais partie du groupe La Montagne Blanche avec Frédéric Martineau, Alicia Lemieux et Jean-François Chapdelaine. Oui, en fait, c'est La Montagne est blanche. La montagne est blanche. Le « est » est très, très important. Parfait, on l'oubliera plus. Et justement, ce nom-là, ça vient de où, La Montagne est blanche? Ben, en fait, on a eu une grosse réunion de direction artistique, moi et Frédéric. Puis là, les deux chansons parlaient, la première parlait beaucoup de l'hiver, la seconde parlait beaucoup du printemps. Donc, on allait dans ces thématiques-là. Et là, ça a donné que je buvais une bière qui était très, très froide. Donc, la montagne était blanche. Et je me suis dit que c'était un très beau nom pour un nouveau band. Ben oui, justement, nouveau band, c'est la première fois que vous jouez ensemble? Moi et Jean-François, on a déjà joué ensemble dans d'autres contextes, mais c'est la première fois qu'on joue ensemble les quatre avec mes chansons dans ce contexte-là. Parfait. Donc, vous vous êtes connus où, les quatre ensemble? Comment ça, vous avez créé votre groupe? Fred, qui joue de la basse, en fait, est mon coloc. Ouais. Jean-François, on se connaissait déjà par l'entremise de mon ancien coloc, qui était Olivier Miquelette, qui a fait deux fois un QTR en spectacle. J'avais déjà joué avec les deux, mais les chansons d'Olivier. Et Alicia, est une chanteuse émergente qui est en loisirs culture tourisme aussi. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Alicia, c'est la chanteuse de votre groupe. Vous, les gars, c'est vous êtes aux instruments. Non, officiellement, non? C'est moi qui chante, oui? Mais Alicia fait des backs vocaux. Ah, OK. Vous êtes deux chanteurs. Oui. Parfait. Vous êtes un groupe d'auteurs-compositeurs, en fait. Vous chantez vos propres chansons. La vraie question, c'est qui l'auteur-compositeur de la gang? C'est moi. Oui? En fait, oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu écris tes chansons, tes propres chansons? Ça fait peut-être là, 5, 6, 7 ans. Je sais pas si ça fait longtemps que j'écris des bonnes chansons. Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'avais un groupe à l'époque, quand j'étais en Beauce, pendant mon cégep, qui s'appelait le Trio Engagé. Et c'était le même type de chansons qu'on faisait. Mais là, depuis un moment, j'étais plus avec aucun groupe. Donc, quand je faisais des spectacles, je les faisais en solo. Okay. Mais ça reste que c'est toujours mes chansons. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de revenir dans un groupe et non pas continuer en solo? Ah, ben j'ai toujours eu le goût de jouer dans un groupe, en fait. C'est juste que ça a donné plus. Okay. Mais dès que j'avais une opportunité de jouer avec d'autres personnes, c'est toujours plus motivant. Puis là, c'est sûr, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mais est-ce que vous voyez quand même plusieurs années ensemble, un futur, les quatre ensemble? Ah, ça va dépendre de notre après-baccalauréat, en fait. OK. Moi, je finis cette année, donc c'est dur de prévoir un peu qu'est-ce qui va en venir l'année prochaine, mais on aimerait bien ça quand même. Et on en parlait un peu rapidement tantôt. C'est votre première participation, évidemment, en tant que La Montagne est blanche à UQTR en spectacle. Par contre, toi, c'est pas ta première participation. Jean-François Chapdelaine non plus. Pourquoi on revient dans UQTR en spectacle? Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé à revenir à ce spectacle-là? Ben, c'est une super belle opportunité. Moi, j'étais déjà une adepte des secondaires en spectacle, cégep en spectacle. Je trouve que c'était un bon moyen de se faire connaître. Un bon moment pour présenter des chansons qu'on a eu le temps de préparer aussi. Des fois, quand on fait des spectacles dans des bars, c'est plus ou moins préparé. Mais là, écoutez, en spectacle, on se donne. C'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps, justement, que vous vous préparez pour UQTR en spectacle? Ah, ça doit faire un bon 2-3 jours. On a réfléchi à ça. Ça fait environ un mois. OK. Et on a eu le temps de faire quelques pratiques. Oui, parfait. Vous en êtes prêt les restes de deux semaines? Oui. Ouais. Ouais, on d'attaque. Travaille sur la finition présentement. OK, parfait, la finition. Super, je vous souhaite encore une fois de bonne chance à La Montagne est blanche. J'espère que le printemps sera beau. Là, j'ai vu la petite description, là, le printemps est beau, la montagne est blanche. En tout cas, j'espère que tout ça va être bien beau ce soir-là pour vous. Les étoiles vont s'aligner pour votre victoire. On espère aussi. Je vous souhaite bonne chance. Puis on dira un petit salut là, aux autres. Oui, merci beaucoup. Puis je vais leur faire un gros salut. Oui, même. Super. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci à toi, Laurence Gagné, de l'émission culturelle au Jeu de la Com, oui. L'épreuve d'émission culturelle. On remercie donc aussi Catherine Poirier du comité. On remercie Karina Tardy aussi, Joanie Gagnon qui était là tantôt. Et surtout toi, Laurence Gagné, qui a mené tout ça. Merci. Et on se retrouve lundi prochain. Exactement. Pour une autre chronique du QTR en spectacle 2015. Puis après ça, une autre fois, m'en aller là-dedans parce qu'il y en a trois autres. C'est ça, jeudi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Nous, on écoute pour l'instant un fond d'Arabie. Et leur nouvel extrait du palmarès. Après ça, ce sera David Ferron et sa chronique Les Notes Salées à Assemblage requis. Sur C'est fou. C'était Fontarabie, leur nouvel extrait du palmarès francophone, c'est-à-dire, c'était Vent Blanc, voilà. Pour l'Avec la montagne est blanche d'Olivier Lessard de tantôt. On prend une petite pause au retour, David Ferron et les notes salées. J'entends dire par contre que David Ferron va être bien accompagné. En tout cas, il va être accompagné, ça, ça c'est sûr. Au 89 FM, c'était Assemblage Requis. Fou d'exotisme. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, croyez-le ou non, en ce lundi 9 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, seul au contrôle, aux commandes du navire d'Assemblage Requis. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on n'a personne pour chanter avec moi sur l'intro de la chronique de David Ferron. David, veux-tu tenter ta chance? Je sais pas si... ou peut-être que Marie Melon pourrait le faire. Chanter les paroles d'une chanson thème de David Ferron, parce que voici les notes salées. Les notes, ça brûle mes gencives, mes gencives, quel film, tubercule dans ma gencive, c'est trop salé. Look at my nuts, wow, Marie Melon, mais quelle extraordinaire performance. Allô? Allô, Marie Melon, c'est la sœur anciennement triplée, en fait, toujours triplée de David Ferron. Ça va bien, mon beau Mathieu? Ah, merci de le dire. Oui, c'est beau de le dire. Oui. Merci. T'es présente avec nous en studio en ce moment. Ah oui. Si on veut, Marie Melon, séduisante jeune créature. Oui. Sortie, je crois, de la mer, je pense, on dirait. En tout cas, d'une mère et d'un père assez bizarre, si on peut, on le sait. En fait, je suis sortie de l'océan. Oh, t'es comme la petite sirène Ariel. Oui, mais elle est rousse, puis moi, je suis blonde, je suis plus jolie qu'elle. On n'avait pas encore déterminé la couleur des cheveux de Marie Melon jusqu'à maintenant dans l'assemblage requis. Vous savez, pour la petite histoire, pour les auteurs qui sont pas avec nous tout le temps, triplé, David Ferron, Gustave, un Français avec une moustache graisseuse, et Marie Melon qui a de petites mains à la place des seins, c'est thalidomide. Donc, c'est pas mal tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre l'histoire. N'est-ce pas? Oui! C'est vrai. Désolé de parler de son apparence physique, là, mais c'est un petit peu important dans le personnage quand même, faut le dire. Puis c'est pratique pour tenir le micro. Oui, tout à fait. Elle se rapproche tout le temps du micro, tout le temps plus. Donc, Marie Melon, t'as demandé, je crois, à David Ferron s'il fait prendre sa place. C'est ce que... Explique-moi mais ça. Non! J'ai une lettre d'amour pour toi, Mathieu. Ah, t'as juste une lettre d'amour. T'as pas de musique pour moi. T'as juste une lettre d'amour. Ben, David, il va faire sa chronique plate comme d'habitude. Ah oui, ben ça. Ouais. Avec de ton insignifiant de l'Afrique. On s'en sauvera jamais, hein. Non, parce qu'il sait pas c'est quoi ni vide, n'avait aucun goût musical. T'as bien raison. Hey, qu'est-ce qui se passe avec Gustave? On en parlera plus tard. On va commencer par la lettre d'amour. Je veux savoir. Oui. Tu m'as dit ça, là, ça me titille, ça m'agace, ça me. C'est une lettre d'amour que Gustave et moi, on t'a écrite. Oh, avec Gustave? Ben non, mais c'est parce que Gustave, il est tellement bon poète. Ah, c'est ça. Et toi, ben, tes mains se rendent pas jusqu'à la feuille, hein? Fait que... Non, mais c'est surtout que mon cerveau se rend pas jusqu'à la feuille aussi. Le cerveau te rend pas jusqu'à tes mains et tes mains ne se rendent pas jusqu'à la feuille. Marilon, Marilon. Je comprends pas. Je sais pas. Ah, t'es pas assez vite pour ça. Excuse-moi. Ah, OK. C'est correct. Mais je vais t'expliquer plus tard, je vais faire des dessins. OK. Excuse-moi, je veux pas t'insulter non plus. Mm. Donc, lettre d'amour, tu sais, t'es toi qui m'envoie de l'amour comme ça, puis moi qui t'envoie de la haine. C'est comme ça, c'est notre relation. On se complète bien, je pense. Oui. Alors, Mathieu, dans tes rêves, ouais. Chiptoons, j'aimerais bien être ta Peach. T'aimerais être ma princesse Peach? Oui. Ah, je serais ton Mario? Oui. Ah, Marie et Mario. Oui. Tellement beau. Ah, et j'aimerais manger ton cœur pour qu'il soit toujours en moi. Ah, mais là, je serais mort. Mais non, tu seras éternellement moi. Ah, c'est ça. C'est comme Yoda, hein. Ah, excuse-moi. Oui. Faut pas que je vole les spoilers à l'heure. Tu es mon petit Yoda et je serai ta princesse Layla. Oh, Layla? Ça, c'est dans Futurama, par contre. Tu mélanges les... Oui. Ouais. Et aussi, je brûlerai ton appartement pour te garder au chaud éternellement. OK, ouais, je serai pas regardant, ouais. Et je crèverai tes yeux parce que tu es aveugle devant mon amour. Aïe, aïe, non, moi d'habitude, je prends mes yeux miroirs. Mais là, je ferai des yeux bouillis et je les mangerai avec ton cœur. Miam, miam. C'est comme moitié violent, moitié super cute, hein. Ah, Mathieu, je ne comprends pas ce que je lis, mais c'est pas grave. C'est marqué à bouche. que veux-tu? La la la la la la la la la la la la. C'est bon, Marie Melon. Wow. Merci, merci. Hey, salut Mathieu. Hey, salut David. T'arrives juste à temps pour nous débarrasser de cette chanson de Marie Melon. Ouais, t'as l'air sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Parce que là, on me dit que c'est Gustave qui a écrit les paroles, mais il me semble que c'était assez trash. C'est plus le genre de Marie Melon que de Gustave. Ouais, c'est ça, parce que ça avait l'air d'être un petit peu poétique quand même. Je pense que oui. Mais depuis que que Gustave a découvert Windows 10, il fait comme Mathieu Plante avec ton Yosemite. Ah, OK. Faut dire, Gustave de la fenêtre, hein, c'est un employé de Microsoft. Il vend tout le temps les produits de Windows. Et là, il essaie Windows 10, puis il pense que c'est meilleur que mon Mac OS 10 Yosemite. Oh, oui, puis en fait, il s'est dit, depuis ce temps-là, j'ai plus besoin de Stéphanie. Ah oui, Stéphanie, justement, je sais pas ce qui... C'est peut-être lui hein, qui a fait quelque chose. Moi, je sais pas ce qui arrive à Stéphanie. Je l'ai pas dit depuis le début de l'émission. Donc, on peut se créer n'importe quelle histoire d'ici la fin. Ah oh, non, c'est ça, Stéphanie. Non. En fait, Gustave, il est reclus dans un coin. Ah, bon. À part pour avoir écrit un poème très beau à ton égard, d'après ce que j'entends dire. Ouais, c'est ça. T'as manqué le... T'es déjà arrivé juste à la fin. Ben, moi. Exactement. Ah, ben, pauvre toi. Pauvre toi, t'en manques des affaires, David Ferron. Je sais pas s'il y a quelque chose de louche derrière ça. Mais bon. Ouais, je suis sûr. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'Afrique, David. Ben, ouais, là. C'est ce que Marie Melon m'a dit. Moi, tu vois, elle m'a volé le punch. Je sais pas si c'était pas supposé être dit. Oui, en fait, j'ai pas vraiment de thématique parce que vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai décidé de faire une petite vite. Une petite vite? Donc, pour les enfants, ça va être une chronique brève et pour les adultes, bon matin. C'est rempli de sous-entendus, j'imagine. Mais non, moi, je suis toujours au premier degré. Ah oui, c'est vrai. Toujours. Il n'y a pas de deuxième, troisième degré avec moi, je comprends rien. Un vrai rapporteur d'angle. Exactement. Ouais. Je suis, en fait, un angle ouvert, un 360 degrés humain. T'es convexe et concave, t'es juste con, on va se le dire, t'es juste con. Oui, adorable. Ah oui, dans le bon sens, évidemment. Oui, c'est ça. Je suis attendrissant. Oui. Et oui, donc, comme je suis tellement attendrissant, je vais vous présenter deux tounes aussi attendrissantes que moi. Oh, wow! On met la barre haute, la barre tendre, autre. Oui, là, on va faire... En fait, on va écouter une toune de Salif Keita avec Esperanza Spalding. Et Esperanza Spalding, il paraîtrait que selon Prince, c'est une reine du jazz R&B. Là, on va entendre une espèce de duo électro-ambiance pop. Mais non, c'est bien. Il y a un côté très africain et très ambiance à la fois. Donc, la pièce s'appelle Chérie s'en va. Et avant, on va écouter un hit en Europe dans les années 80. Donc, on va écouter du 80s sur les ondes de C'est fou 89 FM. Donc, un son 80s de la part de Mori Kante avec Yeke Yeke qui a été vraiment numéro 1 dans plusieurs pays européens dans un top 5. Ça a été même dans les ce qu'on appelle les Years End Chart, donc les chartes de fin d'année. Les palmarès, les hit parades. Oui, exactement, de fin d'année en Europe. Ça s'appelle Yeke Yeke. Peut-être que ça vous dit quelque chose. On écoute ça là? Oui. Cool, Yeke Yeke dans les notes salées. Oui. Sur ces filles. Et Chérie s'en va à la suite. Bife chéri ne bife pedi ana mon bife ni ana mon bife an kanu bile fe ni kamo kole kameso mawo chéri s'en va. Kanana fabolo lono alifa ka yama di mai beti ke sola kolamba to tunyele ma chiri samba sunguru yuma menanya ya kanana fabolo lono alifa ka miliari di mai beti ke sola con la panto tuñe le ma chéri s'en va chéri s'en va chéri s'en va diana mo wa to kameso mayo chéri s'en va chéri s'en va chéri s'en va diana mo wa to kameso mayo. Ancora ne do golu che ya fa Colimo suato Ya mo suato Ya mo suato Ya mo suato nena Chéri s'en va Chéri s'en va Chéri s'en va Viens amour wato comme ça. Que la sique le wajibidi, comme est-ce Chérie s'en va, chérie s'en va. Diana moua toka me soma wo. Bife chérie, ne bife. Diana mon bife, Diana mon bife. Ah, que non bilefe. Nika moua toka me soma wo. Chérie s'en va, chérie s'en va. Chérie s'en va, bien à moi, on va t'en gagner sa papa. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Chérie s'en va de Salif Keita avec Esperanza Spalding, précédé du grand hit européen de Morricone, Yeke Yeke, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Mm-hmm. Il a eu en fait 8h51 et vous écoutez Assemblage requis avec Mathieu Plante. Ouh. Le sensuel Mathieu Plante. Ouh. Hey. Merci David Ferron. C'était la chronique Les Notes Salées. On nous présente quelques pièces comme ça, des musiques de partout dans le monde. Oui. Deux pièces dans ce cas-ci qui n'étaient ni francophones ni anglophones, donc du autre, comme on l'appelle. Oui. On te retrouve lundi prochain à 8h30 pour une autre chronique Les Notes Salées. Oui. Et là, tu restes avec nous un petit peu parce qu'on a une pièce à entendre. En fait, c'est pas une pièce au complet, c'est un extrait qu'on nous a envoyé. Oui. D'une pièce que j'ai jamais vraiment appréciée. J'ai jamais réussi à l'apprivoiser. C'est Brigitte avec À bouche que veux-tu, n'est-ce pas? Oui, ta pièce préférée. Une de mes préférées des palmarès. J'avais juste hâte qu'elle s'en aille, disons. Et là, on a un nouveau remix qui est sorti sur chartsinfrance.net. C'est Brigitte qui remixe ça, donc avec le quatuor, c'est signé par le quatuor français Yves. N'est-ce pas? Yves? Oui. C'est bien ça. On écoute ça à l'instant sans rien dire de plus. On puis, écoute ça en primaire, c'est pas. On sait pas si c'est bon, puis on vous jouera peut-être la vraie après. Je pense que ça devrait. C'est radio commercial, ça. Oui. Ça fait pas très remix pour l'instant. Non. J'espère qu'il n'y aura pas de dubstep dedans. Oh, du chiptoons. Ça, j'aimerais ça. On ne sait plus attendre. Viens, cours. Tes papillons au creux du vent. Viens me porter secours. Ok, dans le fond, c'est un petit côté house. Le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. J'ai peur de nous. J'ai pas envie de résister. J'ai peur de nous. La raison n'est pas notre allié. Tour à tour. C'était Brigitte, remixée par le quatuor français Yves, avec La bouche que veux-tu. J'avoue que la différence n'est pas extrême, c'est juste un petit beat disco en arrière. Oui. Vous allez voir en écoutant l'original que c'est pas mal pareil. Donc voici Brigitte et La bouche que veux-tu pour vrai. Oh. Puis c'est pour toi, David Ferron, juste pour te faire plaisir. Ben. Écoute nos tunes d'eux autres, tu vas trouver que c'est pas mal rythmé comme toi. Tu nous amèneras quelque chose de Brigitte un jour. Battez-vous. Ouais. C'est une de leurs tunes. Battez-vous. Oui. Bon. Ben, vous êtes assemblage requis sur ces fous. Pauvre Mathieu. Le calvaire aujourd'hui. Mais j'ai jamais demandé. Non, c'est ça, c'est moi qui me force à souffrir moi-même. Ben oui, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, Mathieu. Ah non, Marie-Belle. m'aimeras-tu demain? Sur tes mains, m'aimeras-tu demain? Brigitte et Abouche, que veux-tu? Assemblage requis, c'est une chanson que j'impose à David Ferron parce qu'il parle tout le temps de cette chanson-là. Puis après ça, il me dit: mais pourquoi t'as fait jouer si t'as pas ça? Ah, mais tu l'aimes, tu me le dis tout le temps que tu l'aimes. Je l'avoue, c'est un plaisir coupable. Ben, c'est ça, Brigitte, Abouche, que veux-tu? C'est un plaisir coupable, je l'avoue, je l'assume. C'est une chanson qui rentre dans la tête assez facilement. C'est obsédant. Vous allez l'avoir pour la journée au complet après ce 6 minutes de Brigitte. Tu nous feras entendre à un moment donné d'autres tunes de Brigitte. On l'a déjà dit, mais à un moment donné, quand ça t'adonnera, d'autres chansons. Hein. Ouais, et tu vas trouver que en fait, à bouche que tu as beaucoup de rythme. Ah ouais. Maintenant, tiens, toujours assemblage requis, je vais prendre la pause, je vais revenir après avec C'est un fait, pis tout ça, mais tant qu'à être avec toi, puis là, tu sais, tu vas t'en aller éventuellement, là, mais tu m'as suggéré d'écouter du Christine and the Queens. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais Christine and the Queens, en Europe, il y a comme l'espèce de concept de on met une jolie et charmante fille talentueuse, auteure-compositrice, et on lui donne un nom de groupe. Comme Florence, voyons. And the Machine. And the Machines, Marina and the Diamonds. Mm-hmm. Des concepts comme ça. Donc, Christine and the Queens, c'est le même concept. Donc, c'est Christine qui chante, mais c'est quand même une bonne danseuse, une bonne chanteuse, et c'est la sensation en France. Bon. Bon, on écoute leur chanson, Christine, et puis on te remercie d'avoir fait rentrer. Ben, bienvenue. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule Christine and the Queens avec leur pièce Christine. Je vous conseille un vidéoclip sur YouTube, Christine and the Queens et la pièce Christine, parce qu'il y a un prisme bleu et les gens dansent dessus. Puis on dirait que le prisme n'a pas la même gravité que dans notre monde. C'est quand même assez impressionnant à voir comme chorégraphie. Les gens tombent de tous les côtés. C'est bien drôle. Et donc voilà pour Christine and the Queens. On prend une petite pause au retour. C'est un fait avec moi et juste moi à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage Requis en ce lundi 9 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis n'est pas là aujourd'hui. Elle va être de retour. Elle n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas de S dans là. Elle va être de retour demain, bien sûr, à notre émission. Tiens, on a eu une émission très très chargée aujourd'hui. Ça n'arrêtait pas les gens qui se présentaient en studio. Maintenant, c'est le moment de se relaxer un petit peu tout en se remettant le cerveau pour qu'il soit prêt à apprendre pour une autre journée d'apprentissage à l'école, à l'université. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables, selon Internet, bien sûr. Toutes les sources sur assemblagerequis.com. Commençons en parlant de la scène noire. Vous savez qu'au Canada, il n'y a plus de scène noire depuis un bon moment, mais aux États-Unis, on perd environ 50 millions de dollars américains ou 63 millions de dollars canadiens environ par année sur les pennies, les cents. La production, donc, de cette pièce qui est pratiquement sans valeur. Donc, c'est pas surprenant que plus de la moitié des collectionneurs de pièces, les experts en argent, croient que la pièce de monnaie d'une cent va finir par s'en aller dans un futur plus ou moins rapproché. Hein? Donc, un petit graphique de Precious Metals, de International Precious Metals, qui nous en parle. Ils ont reçu en interview 30 experts, plus de 30 experts, de partout dans l'industrie de la monnaie. Et ils voulaient savoir leur opinion. Donc, par exemple, ils leur ont demandé, croyez-vous que la penny va disparaître? Et si oui, en quelle année? 56% des experts disent que la penny va être éliminée d'ici 2026. Ensuite, on leur a demandé quel président mérite sa propre dénomination. 41% des experts ont répondu Ronald Reagan. Ensuite, à 30%, c'est Roosevelt. À 11%, Truman. À 6%, Johnson. 4% Clinton. 4% Adams. Et 4% le président Hoover. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle dénomination maintenant? Et si oui, pour quel montant? 70% des experts disent que la US Mint n'introduira jamais de nouvelle dénomination. 30% disent qu'une nouvelle dénomination sera une des deux suivantes, soit un billet de 200$ à 15% ou une pièce de 5$ pour 15% des experts. Quelle pièce ou billet est-ce que la US Mint ramènera en circulation de masse? 44% disent aucune. 28% disent le billet de 2$ américain. 12% disent le dollar avec Susan B. Anthony dessus. À 8% on dit le dollar de Sacagawea. Et à 8% on dit le half dollar de Kennedy. Donc ça c'était les pièces de 50 cents. Quelle est la pièce qui est la plus surévaluée sur le marché? 19% des experts ont dit les Morgan Dollars. Donc les Silver Dollar Coin qui ont existé entre 1897 et 1904 et encore une fois en 1921, nommé en l'honneur du, de la personne qui s'occupe des gravures sur la monnaie américaine, donc le US Mint Engraver George T. Morgan. C'est pour ça qu'on l'appelle le Morgan Dollar. Dans les années 60, plusieurs Morgan Dollars qui n'avaient pas été circulés sont sortis des voûtes du domaine de la trésorerie. Trésorerie, c'est bien ce qu'on dit, aux États-Unis. Ensuite, quelle pièce est la plus sous-évaluée sur le marché? 13% des experts disent la pièce de 3 cents qui a été produite entre 1851 et 1889. À l'origine, elle avait été proposée à cause des timbres. Donc, qui était descendu à 3 cents. Donc, on avait fait une pièce de monnaie de 3 cents pour pouvoir se permettre des timbres de 3 cents pour envoyer des lettres. C'est la pièce de monnaie la plus légère qui a jamais été fabriquée aux États-Unis et on l'appelle la Trimes. Un peu comme ici, des fois au Canada, on va dire un loonie ou un toonie pour les pièces de 1 et de 2 $. Donc là, c'était un Trimes. C'était pour faire un jeu de mots avec dimes, probablement, la pièce de 10 cents. Donc, il y a plein d'autres explications sur ça sur assemblagerequis.com. Quelle est la pièce la plus difficile à trouver? Et, 26% des experts disent que c'est le Liberty Nickel de 1913 qui a été frappé pour la première fois entre 1912 et 1913. La US Mint, donc, a plus de dossiers, a plus aucune preuve, aucun papier. Parlant de la production de Liberty Head Nickel pour cette année-là. En 1920, Samuel Brown avait annoncé qu'il possédait les 5 pièces. Il y avait eu 5 pièces de ça. La communauté numismatique était intriguée et trouvait ça suspect. On a découvert que Brown était un employé de la US Mint en 1913. En 1972, c'est devenu la première pièce de monnaie à se vendre pour plus de 100 000 $ américains. Et en 2010, une s'est vendue pour 3,7 millions de $ américains à lors d'une enchère publique. Voilà. D'autres qui ont reçu des votes dans cette catégorie de la pièce la plus difficile à trouver. Le 1909 O'Barber Quarter, donc c'est un 25 cents de 1909, et le 1804 Silver Dollar, un dollar argenté de 1804. Bon, le reste, ça commence à être un petit peu plus spécifique. On demande leur couleur de pièce préférée. 45% ont dit n'importe quelle. 17% ont dit les Liberty Nickels, Quarters, Halves et Dollars, donc qui sont argentés. Ensuite, la Lincoln Penny à 14%, le Morgan Dollar à 10%. Ça, c'est un dollar argenté. Et bon, le reste, c'est des petites affaires. Et finalement, les experts se sont fait demander si vous ne collectionniez pas de pièces de monnaie, que collectionneriez-vous? 44% ont répondu un peu n'importe quoi, des Hot Wheels, des cartes postales, des trains vintage, des autographes. Ensuite, à 16% des timbres, à 10% des bouteilles, à 10% des fusils antiques, à 10% des mémorabilia de tout ce qui est voyage dans l'espace, et à 10% de l'art. De l'art. Oui, comme des tableaux d'art. Et voilà, c'était un petit sondage de la part de International Precious Metals que je trouvais assez intéressant par moment. Ensuite, lorsque les étudiants de l'Université de Vienne se sont fait demander la raison pour laquelle ils avaient choisi d'apprendre le, je crois que c'est finnois qu'on dit, donc la langue en Finlande, 97% des gens qui ont répondu au sondage ont dit que le facteur principal derrière leur décision était la musique heavy metal, parce que ça parle souvent finnois là-dedans. Il y a un désordre psychologique où vous croyez que vous et tout le monde que vous aimez est déjà mort. Les patients ont ce qu'on appelle le Cotard's Disorder, donc le désordre de Cotard. Souvent, ils vont arrêter de manger, ils vont croire qu'ils sont au paradis ou encore en enfer et que tout le monde autour d'eux est déjà mort. C'est un petit peu déprimant tout ça. En 1911, Imogene Rectin a mené une campagne contre les baisers. C'était le chef de la... de la World Health Organization, l'organisation de la santé, qui n'a rien à voir avec l'organisation World Health Organization des Nations Unies, là, celle qu'on connaît plus récemment, c'est pas la même chose, ça a été fondé en 1948. Donc, les personnes qui étaient fans de Imogene Rectin portaient des boutons qui disaient « Kiss not », ne pas embrasser, je n'embrasserai pas. Un journal à l'époque a dit, et je cite... Jugeant par les caractéristiques faciales de la présidente de ce culte ou de cette secte qui apparaît dans les journaux, elle est immunisée au baiser sans même porter le petit macaron. Hein? C'est un peu bitch, ça, hein? Ouais, kiss not. Bravo à ce journal-là d'être allé aussi. C'est dans les dents, ça, je pense. Vous connaissez peut-être, en fait, probablement pas. Je vais vous renseigner à la place. Il y a une sorte de suçon qui s'appelle les dum-dums. D-U-M-D-U-M. Il y a une saveur mystère. Donc, il y a des points d'interrogation sur le bonbon, un peu comme il y en a pour d'autres affaires. Il y a la gomme, je crois que c'est... je crois pas de la gomme qui avait ça comme saveur mystère. Pas celle avec les cinq sens, je sais pas trop quoi. En tout cas, bref. Five, genre, je pense que c'est la gomme five. Bref, une saveur mystère, peu importe, mais les suçons dum-dum, la saveur est composée d'un mélange des deux saveurs qui sortent ensemble lorsque la fin d'une batch de bonbons rencontre le début de la prochaine batch. Donc c'est ça la saveur mystère, ça change tout le temps parce que c'est ce qu'il y a entre deux autres saveurs. Bon, ouais, je trouve que c'est vraiment du génie ça. J'achèterais tellement ça. On voit sur l'image que c'est un suçon moitié rose, moitié jaune. Donc c'est pour un petit laps de temps limité hein, entre deux batchs de bombes. On revient à la monnaie un petit peu en 2008. La pièce de 50 pesos chilienne avait une faute d'orthographe. Ça disait chi. C-H-I-I-E à la place de Chile, C-H-I-L-E, donc un deuxième I à la place du L. Lorsque l'erreur a été découverte en 2009, Gregorio Iniguez, le directeur de la Chile Mint, ça c'est ceux qui s'occupent de la monnaie, et d'autres ont été virés de leur emploi à cause de cette faute-là. Quand même assez majeur sur de la monnaie, hein, mettons que ça reste pas mal longtemps la monnaie. Le premier président, oui, du Zimbabwe. Et celui-là, je le dédie à Stéphanie Paradis qui est absente aujourd'hui. Le premier président du Zimbabwe s'appelait le président Banana. Président Banana. c'est Canaan Solindo Banana. Né le 5 mars 1936, meurt le 10 novembre 2003. Le premier président du Zimbabwe du 18 avril 1980 au 31 décembre 1987. Le Friluftsliv. Friluftsliv, c'est le mot norvégien utilisé pour décrire une façon de vivre, une méthode de vie qui est passée à explorer et apprécier la nature. Donc Friluftsliv, qui veut dire open air life, vie à air ouverte. C'est donc une caractéristique de la culture norvégienne. Les Norvégiens qui embrassent la nature et savourent l'extérieur, c'est leur façon de vivre. Le terme est utilisé pour la première fois en imprimé par le célèbre auteur norvégien, dramatiste et poète, dramaturge et poète, Henrik Ibsen, en 1858. Dramaturge. Lorsque Kim Peake, une savante américaine qui avait une mémoire exceptionnelle, s'occupait du payroll, donc elle s'occupait des salaires de 160 personnes, elle était capable de compléter cette tâche-là en quelques heures sans aucune calculatrice. Quelque chose qui apparemment prend beaucoup de temps. Je connais pas les payrolls, mais apparemment faire les pays, c'est bien compliqué. Donc elle le faisait en quelques heures sans aucune calculatrice. Et elle a été virée, renvoyée, remplacée par un ordinateur, évidemment. Ça a pris deux comptables à temps plein, plus l'ordinateur, juste pour remplacer Mme Kim Peake, tellement c'était une génie. Une sorte de serpent, les garter snakes, donc masculins, mâles, vont imiter les femelles pour pouvoir se faire coller par d'autres mâles et voler leur chaleur. C'est un processus qu'on appelle la kleptothermie, donc on vole la chaleur de l'autre. Intéressant quand même, c'est une forme de thermorégulation, où les animaux vont partager une thermogénèse métabolique avec l'autre animal. Voilà. Mamila Pinatapai, pardon, je me suis trompé. Mamila Pinatapai, voilà. M-A-M-I-H-L-A-P-I-N-A-T-A-P-A-I. C'est un regard partagé par deux personnes, chacun souhaitant que l'autre personne initie quelque chose que les deux désirent, mais que aucun des deux veut débuter ou veut initier. Le mot est dans le livre des records Guinness comme le mot le plus descriptif, et c'est aussi un des mots les plus difficiles à traduire. C'est un mot dans le langage fuyen, de Tierra del Fuego, dans le sud de l'Amérique du Sud, donc au Chili et en Argentine. C'est ça, le mot le plus succinct. Donc le mot, je dirais, qui va le plus droit au but, le plus descriptif, Mamila Pinatapai. Ensuite, il y a un homme qui essaie de faire entrer une nouvelle lettre dans l'alphabet pour remplacer le mot « the », donc le mot « the », T-H-E. Il voudrait remplacer ça par un T majuscule avec un petit H qui sort du côté. Donc, on dirait que le T est en train de faire pipi, si on veut. Donc, un H avec une barre dessus, mettons. Je pense que c'est plus facile de dire un H minuscule avec une barre dessus qu'un T majuscule avec un H qui sort de la jambe. Je pense que ma description est un petit peu fautive. Mais imaginez un gros T majuscule qui fait pipi. Mais bon, ça n'amènera pas nulle part, ça, pour l'instant. Le jus de citron fait que le poisson goûte un peu moins poissonneux, si je puis se me permettre, je peux me permettre l'expression, parce que son acidité, va neutraliser un groupe chimique dans le poisson qui s'appelle les amines, quelque chose comme ça, ce qui les rend non volatiles et qui va empêcher l'odeur, ça va rester dans le poisson. Donc le jus de citron empêche cette odeur-là par son acidité. La traduction est toujours très très boiteuse dans mon cas. Un zoo japonais n'a pas réussi à faire accoupler, disons, une paire de hyènes, l'animal, pendant 4 ans. Ils essayaient vraiment de les faire s'accoupler, et ensuite ils ont réalisé que les deux étaient mâles. Fait que tu sais, des fois, les experts, ça veut pas toujours dire qu'ils sont toujours vite. Au Québec, ça vous le savez, en Suède et en Norvège, c'est illégal de faire la publicité qui vise les enfants. C'est pour empêcher les compagnies d'encourager les enfants à supplier leurs parents à lâcher des affaires. Donc il y a une loi qui décourage tout ça. Kenny Waters a été trouvé coupable de meurtre. Sa sœur, qui a lâché l'école secondaire en cours de route, a décidé de retourner à l'école et de passer toute l'étape du collège, de l'école, de l'université, de toutes les affaires de loi, finalement, pour prouver l'innocence de son frère. Elle a travaillé avec ce qu'on appelle l'Innocence Project pour faire tester son ADN. Il a été libéré après 18 ans de prison pour un meurtre qu'il n'avait évidemment pas commis. Le film de 2010, Conviction, mettant en vedette Hilary Swank, est basé sur son histoire, Kenny Waters. Dans plusieurs pays, blesser ou tuer intentionnellement un chien policier est un crime. Et les chiens policiers vont devoir s'assermenter, être assermentés. Ils vont recevoir une cérémonie complète s'ils sont tués alors qu'ils sont toujours au travail. Donc, in the line of duty, les chiens policiers qui sont très importants dans plusieurs pays. Une zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud a pratiquement aucun habitant et c'est devenu un refuge pour plusieurs espèces d'animaux en danger, en voie de disparition. Donc c'est une isolation naturelle sur la longueur de 250 km de la DMZ, ce qu'on appelle la Demilitarized Zone. Ça crée un parc involontaire qui est maintenant reconnu comme un des endroits les mieux préservés dans le monde. Vous connaissez peut-être le rappeur, je crois qu'on dit GZA, GZA, du Wu-Tang Clan, qui travaille sur un album qui focus sur l'éducation des enfants par rapport au domaine des sciences. On croit que Neil deGrasse Tyson, le scientifique extrêmement reconnu aux États-Unis, celui qui a animé Cosmos récemment sur Fox et qui va avoir un talk show dont on a parlé récemment, donc Neil deGrasse Tyson qui a aidé à inspirer le nouvel album du rappeur GZA qui parle de science. C'est cool quand même. Il veut promouvoir la science chez les enfants et chez tout le monde en fait, mais en focusant particulièrement chez les jeunes. C'est un album à concept qui s'appelle Dark Matter. C'est basé sur un voyage entre au-delà du temps et de l'espace. Voilà. Les dauphins communiquent avec les uns les autres par téléphone. Ça peut arriver, pas par téléphone parce qu'ils vont sortir leur selle de leur poche. Là. Je pense pas. Mais si on leur met un téléphone devant eux, ils peuvent communiquer par téléphone et sont apparemment capables de savoir à qui ils parlent. C'est vraiment super cool. Les dauphins sont vraiment ultra intelligents. La ville de Whittier en Alaska, tout le monde vit dans un seul condo. Les 200 résidents n'ont jamais besoin de quitter leur bloc appartement pour aller à l'école, à l'épicerie ou au bureau de poste. Donc Whittier, W-H-I-T-T-I-E-R en Alaska. Il y a un petit documentaire qui s'appelle I am a Whittier teacher à Indy en Alaska par PBS. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Entre 1974 et 1979, la ville de Dauphin, on vient au Dauphin, au Manitoba, au Canada, a participé à un programme expérimental qu'on appelait le Guaranteed Income Program ou encore MINCOM, donc un programme d'argent garanti, si on veut, pendant ces 4 ans-là, jusqu'à ce que le projet ait été annulé. Soit annulé. Et finalement, on a enlevé tous les fonds pour ça. Les résidents les plus pauvres de la ville recevaient un chèque à chaque mois et augmentaient donc leur vie modeste et ça les récompensait s'ils travaillaient plus, finalement. Et pour cette période de 4 ans-là, les effets de la pauvreté ont commencé à fondre, à s'en aller complètement. Pas complètement, mais à au moins diminuer. Les visites chez le docteur et dans les hôpitaux ont diminué. La santé mentale a commencé à s'améliorer et plus d'adolescents ont complété leur secondaire pendant ces 4 années-là par rapport à avant. Donc, c'est un programme de salaire garanti, MINCOM, M-I-N-C-O-M. Je vous appelle tout aujourd'hui pour que vous puissiez chercher un peu plus d'informations si vous en voulez. Il est possible de voyager du Portugal au Vietnam seulement par train. À 17 000 km de distance, c'est le plus long voyage de train qu'on peut faire dans le monde entre le Portugal et le Vietnam. 17 000 km, incroyablement long. Je sais même pas si... Si votre lecteur MP3 va tenir la route, ça prend environ 327 heures. C'est plus de 13 jours et demi. Wow! Il y a une ville fantôme à New York qui s'appelle The Hole. Le trou, hein, c'est une place dans Queens qui a été construite proche de la... est-ce que c'est une nappe phréatique Water Table? Je suis pas sûr. Donc, c'est presque complètement abandonné. Il y a souvent de l'eau qui va... c'est souvent inondé. Et ça a été pendant... un bon bout de temps, une place où domper des corps morts pour la mafia. Donc c'est The Hole dans Queens à New York. À Moscou, les chiens de ruelle, si on veut, les chiens abandonnés ou les chiens qui sont pas propriétés de quelqu'un, ont appris à faire à prendre des transports en commun finalement pour passer des petits quartiers à la ville principale. Donc ils prennent le métro, ils s'en vont dans la grande ville, ils vont chercher de la nourriture, ensuite ils reprennent le train et retournent à la maison le soir. Plusieurs chiens à Moscou qui font ça. C'est un phénomène attribué à l'évolution basée sur la survie, nous dit-on. Pour survivre, ils n'avaient pas le choix, donc ils ont appris à le faire. En 1860, oh, le temps passe vite, on va en faire quelques derniers. En 1860, une fille de 11 ans a écrit au nominé pour la présidence américaine Abraham Lincoln, lui disant qu'il devrait se faire pousser la barbe. Elle disait, et je cite, « Les femmes, aiment les poils et elles agaceraient leur mari pour voter pour vous et ensuite vous seriez président. » Hein? Lincoln non seulement lui a répondu, mais en plus, lors de son inauguration, il avait une barbe complète. On ne sait pas si c'est vraiment à cause d'elle ou grâce à elle, mais c'est Grace Greenwood Bedell Billings, née le 4 novembre 1848, décédée le 2 novembre 1936, une femme américaine qui est connue pour sa correspondance à l'âge de 11 ans, qui a influencé Abraham Lincoln à se faire pousser la barbe. Une femme de 100... ça, vous avez peut-être déjà vu ou croisé une de ses vidéos sur, sur YouTube ou sur Facebook. Je vous en parle parce que c'est encore plus impressionnant de savoir ce qu'elle a fait cette année. Donc, c'est une femme de 125 livres qui a gagné le Wing Bowl 22, un concours... de mangeage, finalement, avec le record de 363 ailes de poulet. Le lendemain, elle a gagné le Blue Ribbon Bacon Festival, 5 livres de bacon en 3 minutes. Ça, c'était après avoir gagné le High Hop Pancake Bowl avec 59 crêpes. Et le lendemain, elle a conquis le Adam Amenaker Challenge en mangeant 5 livres de barbecue, de viande de barbecue en général. Son nom, c'est Molly Schuller, S-C-H-U-Y-L-E-R. Elle a aussi brisé le record après avoir mangé un steak de 72 onces. Elle a mangé en 2 minutes 44 secondes au Sailor's Old Country Kitchen à Portland, en Oregon. Le précédent record était de 6 minutes 38. Elle l'a battu avec 2 minutes 44. Là, c'est quoi? C'est le tiers, à peu près. Aucun sens. Voilà! Je pense que c'est tout pour cette édition de C'est un fait. On a plein d'autres, mais on garde ça pour une autre fois. Parce que c'est le fun d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent à chaque semaine. C'est habituellement les lundis à Assemblage Requis. Nous, ben, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Une autre émission de complète. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Stéphanie Paradis devrait être là demain, donc soyez-y. Et demain, on sera mardi, bien sûr. Et mardi, à l'émission, c'est toujours le jour du Zone Campus aux deux semaines. Donc on aura Sébastien F. Gartin ainsi que Myriam Lortie du journal Zone Campus. On aura aussi la chronique d'improvisation dans les coulisses de la Luitre avec Gabriel Béhoud. Et finalement, en toute fin d'émission, on fera une grosse pointe en dresse avec un petit peu de nouvelles de fast-food. Voilà, c'est demain. Pour l'instant, restez sur nos zones. À 11h, sera Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 17h, ce sera Radar Jeunesse. La nouvelle émission de 13h commence la semaine prochaine. À 17h, Radar Jeunesse. À 18h, Palmarès du Monde. 19h, Le Voyage Insolite. 20h, Rock de Neuron. On se quitte avec une pièce d'André Papanicolaou parce que notre émission d'aujourd'hui est pas particulièrement jetable, mais ça fitterait si j'avais un jeu de mots à faire avec ça. Disposable de André Papanicolaou. Je remercie Olivier Lessard, les gens du QTR en spectacle et David Ferron. À demain, bye! Like a paper cup dancing with the wind, we were disposable.